une seule émission rap de référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveaux sons en exclu dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap Team BS. La Team BS à l'honneur toute la semaine entre 20 et 21. Ils sont tous passés, il manquait que le boss, qui est là de retour ce soir dans l'émission. Comment va la fouine? Ça va très bien et en plus je suis content parce que je suis pas venu tout seul aujourd'hui. Je vois, ce soir tu es venu en mode 7ème art. C'est ça, et puis j'aimerais vous présenter les personnes qui m'accompagnent ce soir. Mais tu as raison puisqu'il y a un film qui sort mercredi, donc le 9 juillet. Film où tu as un rôle important puisque c'est vrai qu'on t'avait vu un petit peu au ciné dans des rôles secondaires. Il y avait notamment Banlieue 13. Et là c'est un superbe rôle. C'est ça. Dans un film pareil qui défonce. C'est ça, c'est un film qui défonce, ouais. Ça s'appelle À toute épreuve. À toute épreuve, et t'es venu avec une partie de l'équipe du film. C'est ça, on est là pour en parler. Donc je vais vous présenter à ma droite, 1m58, 68 kilos. Je vous présente Melha Bedia, qui est une des actrices justement du film et qui a tout tué dans le film. Vous allez la découvrir, ça se passe dès mercredi prochain. Et on a la chance là, de la voir. Là, t'as pas l'air d'accord. Tu fais les gueules, genre non. Si, mais je vais chercher une vanne contre vous. Il est trop gentil, il faut que je fasse une contre-attaque. Non, en plus, ça, là, moi, je ne vanne jamais avec les humoristes. Mais moi, je suis pas tellement humoriste. Ce soir, je peux pas trop vanner parce que là, c'est. Ah, bah là, tu vas te prendre en rafale, quoi. T'es bien encerclé en même temps. Et puis, à ma gauche, on a l'humoriste Walidia. Walidia, qui est sur scène en ce moment aussi. C'est ça, qui est sur scène au Comedy Club. Et puis, on va pouvoir aussi l'occasion de parler un peu de son spectacle aussi, parce que j'ai été le voir et c'est un truc de malade. Il m'a même vanné une fois au Comedy Club. C'est pas vrai. C'est lâchement. Sur internet, ça se trouve. Ouais. Hein. Lâchement comme ça, le mec. Historique. De toute façon, je ne travaille qu'avec des lâches. Des lâches. Vous n'êtes que des lâches. Et bah, bienvenue aussi, Wally, en pleine forme. Ah, avec, je suis très content d'être là. Très bien. Un petit kiff d'enfance. Et bah, écoute, bienvenue. On va t'attendre. On attend d'ailleurs ton freestyle avant la fin de l'émission. Tim, je suis la team patelin propre. Mon gars. Team pépé, patelin propre. Je veux clasher la team banlieue sale. Et puis, à sa gauche, on a Thomas Oliveres, qui est voilà, un jeune espoir du cinéma français, qui a tourné dans de grands films, qui a fait des sacrés films déjà, j'ai envie de dire. Un vrai comédien de la comédie française. On a pu voir déjà dans Les Gamins en train d'essayer de bicrap du Bédo. 25 euros alors qu'il l'avait acheté 20 euros. 25, non, il l'achète 25, il revend 20. Il n'a pas tout à fait compris le biz. On l'a vu dans Intouchable. Voilà, il fait du théâtre. C'est le seul non-escroc du film. C'est ça. Bon, bah, bienvenue à vous tous. Tout le monde est en pleine forme. Oui. Cette semaine, c'est donc une semaine spéciale Team BS, que certains connaissent évidemment. Mais ce soir, en particulier, la fouine et surtout ce projet attendu mercredi. Qui nous fait le pitch alors? Qui est bon en pitch? Alors, en pitch, le meilleur, je pense que c'est Thomas Oliveres. Ouais. C'est un mec qui connaît le ciné. Il a un nom, tu vois, il a un nom d'animateur télé, tu vois. Thomas Oliveres. Ouais, non, du Philippe Rizzoli. Bonsoir, salut à tous. Il peut toujours se reconvertir, ouais, t'as raison. Maître Oliveres. Grave. Alors, le pitch, Thomas. C'est quoi? C'est l'histoire d'un mec qui s'appelle Greg Mollet, comme l'œuf, ça va déjà le personnage. Il va tomber fou amoureux, ça se passe pendant le bac, il va tomber fou amoureux d'une nouvelle élève qui arrive. Ils vont sortir très très vite ensemble, elle va lui annoncer qu'après le bac, elle part à Londres dans une école d'art. Lui, il est absolument fan d'elle, il veut absolument la suivre. Du coup, il veut aller dans cette école. Pour aller dans cette école, il faut payer 20 000 euros, ce qu'il a pas. Donc du coup, il se dit, je vais tenter la bourse. Aïe. Pour avoir la bourse, faut avoir mention très bien au bac. Et c'est mort. Aïe. C'est mort. Aïe. Faut placer. C'est normal. Dans Planète Rap, faut placer. Ouais. Aïe. Aïe. Ouais, il manquait le petit. Aïe. Ouais, grave. 20 000 euros. Non, aïe. Du coup, voilà. Du coup, il va appeler son meilleur pote Yannick, qui est joué par Sami Seguir. Tranquille. Ah. Ah, pareil. Sami. Non, non, je t'explique. Tu es pas du tout. Quoi? Il faut que tu dises des t'as vu à chaque fin de phrase. T'as vu. Ok. Ouais. Moi, je suis un et un maximum de non COD, pas de COD, pas de rien d'adjectif. Et quand tu trouves pas tes mots, tu fais des t'es les là. Ah, ok, d'accord. Et donc le Kemé, tranquille, il arrive. Non, pas c'est raciste. Asie. Asie. Trop. Asie, le mec, il arrive. Asie, le mec, il arrive. Et après. Vas-y, je connais rien. Mais voilà, en tout cas, le mec, ils vont tenter de. En tout cas, il était très court ton pitch. Ouais, mais vous m'avez interrompu. Ah ouais, le ouf, du coup, les gens n'ont rien compris. Personne. Le pitch rallongé où t'as rien compris, putain. Ce qu'il y a de bien dans le film, c'est qu'il craigne une meuf. Voilà, si on pouvait résumer. Si on pouvait résumer ce qu'a dit Thomas, ça nous arrangerait en fait. Parce que on est parti dans tous les sens. C'est l'histoire de trois bras cassés qui essaye de voler les sujets du bac. Voilà, c'est une folle aventure. Il y a du sexe, de l'humour, le truc qui a rien à voir avec le pitch. C'est un film d'auteur en fait. C'était la vie d'Abel. Quand t'as un petit blocage, Thomas, quand t'as un petit blocage, tu peux toujours sortir l'excuse bidon à 2 francs. Ah, excusez-moi, j'ai la bouche un peu pâteuse, c'est le ramadan. Ouais. Ah, okay, ah, il est promis. Dit-il avec une bouteille d'eau dans la main. Donc alors, voilà, pour mieux résumer, c'est... Ça va, les bonnes tournées. Tranquille. Étouffe-toi, hop. J'espère que ça va couler bien de source, tranquille. D'accord, tranquille. Trois bras cassés qui essayent de piquer les sujets du bac, c'est ça pour résumer? C'est ça. Non, d'accord. En fait, c'est le brevet d'école. Non, je rigole. Ah bah tiens, un autre arrivant dans le studio. On va vous présenter dans quelques minutes. Bon, on a compris un petit peu le déroulé de toute épreuve. On va continuer à en parler dans un instant. Présenter qui vient d'arriver. Il y a Canardo qui est arrivé. Voilà. Canardo. Voilà. Bien sûr, je l'ai serré. Voilà, calme, tranquille. Il y a les dossiers qui sortent. Hein. Petits oignons. Tu vas pouvoir t'installer. Tu vas pouvoir répondre. T'auras ton droit de réponse. Avant de continuer, tu sais, ça veut dire quoi melha en arabe, Fred? Non. Ça veut dire du sel. Du sel. Ouais. C'est du sel. Ma sœur, elle s'appelle Kumoun. Ça veut dire cumin. Mais c'est vrai ou pas? Cumin. Non, je déconne. Purée, j'allais. Bon, alors, en tout cas, le film. Bizarre. Pour bien résumer, tout, le film, c'est mercredi 9 juillet. Mercredi. Il faut aller le voir. Et pour nous, c'est la comédie de l'été. C'est la comédie. Franchement, c'est vraiment bien. Sans vanne, c'est vrai. Vraiment, c'est un film de malade. Taï. Wallah, je te jure, Wallah. Et ben, on ira donc voir mercredi, on va en parler dans un instant. Et là, pour débuter, puisque c'est quand même une semaine avec la Team BS, vous connaissez tous l'album de Team BS. Ah ouais, j'aime trop, moi, il y a plein de chansons que j'ai envie de chanter. Et les vrais, j'ai les lavers, ça va t'aider. J'ai pas le profil de si qui part de 1, 2, 3. J'ai la peau de maman qui démange. 1, 2, j'adore. Tu connais Fierté aussi? Ouais, mais. Un peu moins. Faut que tu me lances. Et ben, tiens, écoute. Ah si, c'est pas grave si ta couleur sale. Le Planète Rap Team BS avec l'équipe d'À Toute Épreuve, le film qui sort le 9 juillet. Aïe, 9-2. Non, ma différence n'est pas un défaut. Quand les promesses et les sourires sonnent faux, je n'oublie pas d'où je viens. Et peu importe ta couleur de peau, non, la différence n'est pas un défaut. Quand les promesses et les sourires sonnent faux, je n'oublie pas d'où je viens. Veulent ma chute comme Django's reste en scène. L'endettement dans le film, ma couleur reste en scène. Si je me retourne pas, c'est que le passé m'enchaîne. Tu fermes mes racines, faut pas que leur haine m'enchaîne. Maman faisait le ménage et son fils voulait pas se ranger. À neuf autour d'un plat, on t'invite à manger. Les uns sur les autres, les super pots. J'ai vu des frères en BEP rêver de faire Sciences Po. Et peu importe ta couleur de peau, non, ma différence n'est pas un défaut. Quand les promesses et les sourires sonnent faux, j'oublie pas d'où je viens. Et peu importe ta couleur de peau, différence n'est pas un défaut. Quand les promesses et les sourires sonnent faux, je n'oublie pas d'où je viens. Turbulence traverse des calvaires. Moi je vais me tenir droit, on me regarde de travers. Souvent plus bas que terre, on espère un salaire. J'ai trouvé de la force, même dans de grosses galères. Révolte et manif, ça veut plus dire grand chose. Comme ton baveux, moi j'ai plus des tantos. Accusé comme John Café, mais je leur pardonne. Me noter pour X raison, dites-le à Malcolm. Et peu importe ta couleur de peau, non, ma différence n'est pas un défaut. Quand les promesses et les sourires sonnent faux, j'oublie pas d'où je viens. Et peu importe ta couleur de peau, la différence n'est pas un défaut. Quand les promesses et les sourires sonnent faux, je n'oublie pas d'où je viens. La misère, maman flirtait avec un balai. J'ai sur le cœur couvert, trop fier pour tout déballer. J'ai venu marquer mon temps, je partirai comme Bob Marley. C'est le silence et d'or, 50 000 pour leur parler. Team BS avec l'équipe, on s'entraide. J'ai trouvé ma route et j'avance sans peine. Sèche tes larmes, allez viens, je t'emmène. Toutes les couleurs, c'est ma team sur scène. Et peu importe ta couleur de peau, non, ma différence n'est pas un défaut. Quand les promesses et les sourires sonnent faux, j'oublie pas d'où je viens. Et peu importe ta couleur de peau, la différence n'est pas un défaut. Quand les promesses et les sourires sonnent faux, je n'oublie pas d'où je viens. Et peu importe ta couleur de peau, non, ma différence n'est pas un défaut. Quand les promesses et les sourires sonnent faux, je n'oublie pas d'où je viens. Et peu importe ta couleur de peau, non, ma différence n'est pas un défaut. Quand les promesses et les sourires sonnent faux, je n'oublie pas d'où je viens. Le morceau s'appelle Fierté, l'extrait de Team BS, le projet qui est dans les bacs ce soir. On est avec La Fouine et toute l'équipe, enfin une partie de l'équipe de Toute Épreuve, le film qui sort mercredi 9 juillet, à pas louper, c'est le film de l'été, c'est la comédie de l'été. Tu t'es retrouvé comment toi là-dessus toi? Alors moi je me suis retrouvé par hasard sur le film. J'étais chez mon ami Cyril Hanouna et puis j'exprimais mon désir de faire du cinéma. Mm-hmm. Et puis comme par hasard t'as Antoine Blossé qui regardait l'émission. Donc il m'a fait parvenir le script, le scénario, et je l'ai lu et puis j'ai adoré. Je lui ai dit que je voulais en être. Et voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvé sur ce film. C'est comme quoi, hein. Parce que lui, il demande à la télé s'il peut faire des films. Ça. Excusez-moi, vous avez pas un film? Non, ou alors c'était plus compliqué, le parcours a été plus dur. J'exprime le désir. Déjà, à partir de là, tu savais qu'il allait avoir un scénar. Et pour vous, tiens, mais là, ça a été un peu plus compliqué pour toi. Ouais, bah, toujours plus compliqué pour moi. Moi, c'est quoi, avant de continuer, comment on est aujourd'hui sur Skyrock, que c'est quand même la radio numéro 1 sur le rap, et que je suis entouré d'humoristes, j'aurais aimé savoir si, par exemple, là, tu pouvais répondre à nos questions, mais en imitant un rappeur. Pareil pour vas-y. Pour Thomas, ça va être un peu plus rude. Moi, j'y connais rien. J'ai exprimé mon désir de faire du cinéma. Swag. Ça me rappelle vaguement quelqu'un. Alors, mais quel rappeur tu pourrais nous imiter? Booba. Non. Mais facile, ça c'est plus pourri à imiter. Non, franchement, j'ai vu le film avec Laounizi. Yeah. J'ai bien aimé. Franchement, j'ai bien aimé. J'aime pas ce qu'il fait dans la vie, mais dans le film, il est bon, la vérité. Moi, tu peux dire un truc. Non, tu sais quoi, Melha, comme c'est le ramadan. Je pense que t'es un rappeur. Non, comme c'est le ramadan, imite nous, Kerry James. Ah oui. Salam alaikum, ya khi. Mais non, t'es nul, je l'imite mieux que toi. Mais non, mais je l'ai pas imité, moi. Au planète rap de France. Ah ouais, on était incarcéré. On n'a pas sûr. On était dans le jean. Comme Nordin. Mais ouais. Pas mal, on commence à y arriver, c'est mieux. Représente. Bon, j'en étais quand même à la question, toi, tu t'es retrouvé comment dessus? Sur internet, j'ai mis une annonce, j'ai mis, cherche film. Cherche mec ou rôle. Cherche. Qui bon, non, pardon. Tu sais qu'il y a des gens qui vont t'attendre en bas, toi aussi. Là, vous allez commencer à monter au cerveau. Vous allez vous calmer. Et qu'il a mis l'autre. Attends, les mecs d'Étienne Marcel qui me charrient, quoi. Meuf de Gennevilliers, le lutte, tu connais? Bien sûr que je connais le lutte. C'est un sport. C'est un sport. Ils sont en Normandie. La lutte. Non, mais je voulais dire que c'était. Comment c'était? On m'a contacté parce que je crois que je suis une des meufs les plus drôles de Paris. C'est vrai. Donc du coup, je vais parler avec beaucoup de premier degré là. Et voilà, écoute, j'ai passé les essais, je les ai eu avec brio. C'est vrai. Avec brio, bah vous pas même. Ton humilité. Bah oui. Et en route, et en route pour l'Oscar. Et en route, non, le César d'abord. Oui. Après, et surtout, j'ai couché avec Thomas Oliveres. Et ouais. La vraie histoire, c'est ça. Ah bah, il a l'air heureux en tout cas. Hein, c'est grave. Je me suis assis sur lui. C'était la première. C'était la première, donc il est content. Ah, c'était un truc de ouf. Bon, j'ai eu temps à me réveiller. Il y a Canardon, on le calcule pas. Mais on va le faire dans un instant. Ouais, mais faut, mais déjà, j'aimerais demander aux gens qu'ils envoient tous leurs messages au 41 Sky 41759 avec le hashtag TeamBS sur Skyrock. Voilà, parce qu'on n'a pas changé le hashtag. Désolé pour ce soir. Vous pouvez aussi mettre le hashtag à toute épreuve. Et puis si vous avez vu Thomas par exemple dans Les Gamins ou dans Intouchables, envoyez vos messages. Si vous avez vu par exemple le sketch de Walidia, ou si vous l'avez vu sur le Jamel Comedy Club. Mm-hmm. Et pareil si vous avez vu Vidéo Amateur. Dans Les Lascars sur Canal+. Dans Les Lascars sur Canal+. Voilà, envoyez vos petits messages. Sur Jackie et Michel. Sur Jackie et Michel. Merci qui? Merci Jackie et Michel. Je vais aller manger, hein, c'est bon. Continuons le tour de table. Donc avec Wally, pareil, toi c'est première expérience ciné ou ouais. Valide. Faut le faire en imitant un rappeur encore ou je peux? Vas-y, ouais, tu peux comme tu le sens. Caris, j'ai fait un casting pour le film. Franchement, j'ai pas. C'est les essais de 7, j'étais bien. Voilà. J'avais jamais remarqué, t'as le OK en fait. En fait, Caris, il est asthmatique. Tu devrais finir avec un 2-0-93. Ah, moi, je vais me faire fumer par ça. C'est vrai. Prépare-toi, tu joues encore là au Comedy Club ou c'est bientôt? Comme en fait, c'est à Bordeaux. C'est à Bordeaux le Comedy Club. Oui, à Bordeaux. Il est à Bordeaux. Place Sainte-Catherine. Venez, moi, j'ai pas peur, les frères. Qu'est-ce qu'il y a, team banlieue propre? Il y a quoi dans le spectacle d'ailleurs? Tu imites un peu de... Ouais, bah déjà, il en prend dans la tête. Et je m'arrête, il était stressé, il croyait que j'allais niquer sa race parce qu'il m'imitait. Ouais, j'ai cru qu'il allait me fumer. Et en fait, il était bon délire. J'ai sorti mon pistolet à eau, mais... Ouais. Après, Donc, voilà, bah, t'as de la chance, c'est un des mecs qui a de l'humour, ça tombe bien. Hein. Mais c'est vrai, c'est vrai. Mais tu sais quoi, un jour il va vous surprendre au niveau de l'humour. Mais là, c'est ce qu'on raconte, t'emmerdes, tu nous le dis. Excuse-moi, Wally, je remets un peu d'ordre. Ouais, non, mais excusez-moi. Ça, c'est... Là, je sais que t'es sur Canardo, mais calme deux secondes quand même. Ça, c'est les binationaux, ça. Excusez-moi, je m'excuse. On parlait de ce truc super bien, tu vois, genre la carrière de Wally, t'as rien écouté. Ah, c'est si, attends, Wally. Il est premier sur la vanne. Hein. Si vous êtes premier sur l'Europe, il est premier sur la vanne. Alors là, elle m'a bien vendu. Voilà. Tu l'as vu en spectacle ? Non. Ah. Mais si, je l'ai vu. Mais j'ai été l'une des premières à le voir. Et franchement, il envoie du lourd. Tu sais quoi, Wally, je fais une grosse dédicace à des amis d'enfance. C'était les Wally, justement. Mourad Wally et Hamid Wally. Je fais une grosse dédicace au cas où ils m'entendent. Et ils sont en prison. Ils sont en prison. Non, j'espère pas. Bon, et continuons donc avec Thomas qui, lui, par contre. Non, moi, je parle pas, moi. Je les laisse parler. Lui, il croit qu'il est sur RTL. Ouais, c'est ça, non, je suis avec mon dictionnaire. J'essaye de comprendre. Je comprends rien. Tu veux qu'on parle de théâtre, de la comédie française? Parle avec un langage plus soutenu, s'il te plaît. S'il vous plaît. En plus, toi, tu peux, Fred. Il y a d'autres mecs sur Génération, ils auraient pas pu. Parce qu'à force de se mettre au niveau des rappeurs, il a. Non, mais pas, mais attends, parlons culture, parlons théâtre, par exemple Borgia. Waouh, ouais. Bah, c'est vrai. Ouais, Borgia. Ouais, je suis allé voir Lucrèce Borgia. Voilà, Lucrèce Borgia. C'est bien, c'est bien. Il y a Lulu. Non, c'est cool, je suis hyper content d'être là. Voilà. C'est vrai? Ouais, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Tu sais qu'il est venu avec sa gazeuse, hein? Non, il est venu avec un truc. Est-ce que tu peux montrer ton t-shirt? Eh ouais! Oh là là! T-shirt, mais quel t-shirt magnifique. Allez Chirac, allez la France. Et donc tu faisais partie manger des pommes. Tu faisais partie de la jeunesse chiracienne en 88. Oh là là. Il n'était pas né. Mais c'est, de toute façon, c'est un des plus jeunes artistes à avoir joué avec comment ça avec s'appelle Chirac. Non, Chirac. Avec Giscard d'Estaing. Lynn Renault. Non, comment ça s'appelle? Ah, oui, bah voilà. On peut masser un tube de Lynn Renault. C'est elle qui t'a filé le t-shirt. C'est elle qui t'a filé le t-shirt quand t'as dormi chez elle en jeu. Ouais, grave. Ou t'étais en chien. Reste en goût le titre. C'est quand il a couché avec elle. Il a couché avec Lynn Renault. Du coup, tu dois avoir souvent des voitures. Ouh là là, c'est ça, va manger. Il est l'heure de faire une pause, ne bougez pas dans un c'est instant, l'heure on va revenir. Il y aura le freestyle par téléphone, ne bougez pas. On met quel son dans un instant Alors dans un instant, on va demander à Bertram. Là, on se met quoi 1, 2, 3 1, 2, 3, ouais. Ah, la classe. Je l'ai vu dans ton regard. J'adore cette chanson. Il y a un truc qui se passe dans ton regard. Elle est super. La classe, bah, tu pourras la mettre dans ta playlist entre Vita et Vita. Il y a un vrai dossier. N'importe quoi, j'écoute plus Vita depuis où là ? Depuis moi, une lundi. Semaine. Tiens, d'ailleurs, préparez-vous, on fera le top 3 de ce qu'il y a dans vos iPod, machin, etc. C'est facile pour me la. J'ai du courant. Calmez-vous. Vita et Shimane Badia. Vita, confession de Vita. Ah, belle peine, laisse-moi tranquille avec Shimane Badia, elle est dégueulasse. Oh, bah, elle viendra pas ici, donc non, on peut dire des trucs. Allez, ne bougez pas. Eh, Pouba, je t'emmerde. Ne bougez pas. Dans un instant. Mais Daniel, viens, frère, viens. 9-2 easy. Ne bouge pas dans un instant, ne bougez pas, on revient juste après la pub avec l'équipe de la toute épreuve. Easy. Comme toi. La fouine est Team BS, on choisit Planet Rap. Planet Rap. Planet Rap. 20h-21h, tous les soirs sur Skyrock. C'est Skyrock et c'est le Planet Rap entre 20h et 21h avec l'équipe du film à toute épreuve. Le film sort mercredi. Mercredi. 9 juillet. Mercredi, chop ta soupe là. Je propose qu'on refasse rapidement le pitch. Hein, Thomas, comme tu commences à l'avoir, rapidement. C'est l'histoire de trois bras cassés qui veulent les sujets du bac. Tu sais quoi, on pourrait même parler du bac après la chanson parce que là, ça va être les résultats. C'est les résultats aujourd'hui. Et puis on aimerait que vous envoyiez tous vos messages, ceux qui l'ont eu, ceux qui ne l'ont pas eu, ceux qui l'ont presque eu, ceux qui vont le rattraper. Et Thomas Oliveres a une énorme anecdote justement concernant le bac parce qu'il a eu. Bien après non, ne bouge pas, un peu de teasing. Okay. Et après on viendra. C'est vrai qu'aujourd'hui il y en a plein qui sont contents, d'autres qui font un peu la gueule, d'autres qui vont aller au rattrapage aussi, qui vont chialer, d'autres qui vont mourir. Mais j'avais envie de dire que le film à toute épreuve c'est pour tout le monde, voilà, c'est à dire que tu l'as eu, tu vas le voir, déjà t'es content, tu ressors de là t'es encore plus content. De toute façon, si tu l'as pas, va voir à toute épreuve pour changer les idées. Si tu l'as, va le voir, ça va te rappeler de bons souvenirs. Et c'est au rattrapage. Et bien franchement, il y aura aussi un truc pour toi. Regarde-le. Voilà, regarde-le parce qu'on a des petites surprises pour toi. Très bien. Donc c'est le film pour tout le monde. Franchement, c'est le film pour tous. Pour tous. Comme les. Non. Il est grand temps de passer le morceau préféré. Ton morceau préféré. 1, 2, 3. 1, 2, 3. C'est 1, 2, 3, Vive l'Algérie. C'est 1, 2, 3. C'est plutôt ça. Bravo. Un respect pour les Algériens, vous êtes restés 120 ans quand même, hein. Je vous le rappelle. Hein. Pas la peine. Allez. Je sais pas. Ah, elle a mis un malaise. Thomas, elle a mis un malaise. Thomas, c'était pour toi. Elle est dans le dur, assez tif. Moi, je suis Kabil. Moi, je suis Kabil. Azoul. Azoul. Azoul. Azoul. Archiche, la fouhade. Eh ben, les quatre guides. Voilà. Donc, il y a un autre problème ? Non, pardon, excuse-moi. Okay. Est-ce qu'on peut mettre le morceau 1-2-3 maintenant ? Ah oui. Voilà. C'est extrait de Team BS, le prochain, on l'écoute maintenant. 1-2-3. J'ai pas le syndrome de celle qui pardonne. 1-2-3. J'ai la peau de ma main qui démange. 1-2-3. On m'avait pourtant mise en garde. 1-2-3. Phénomène bizarre. Ça y est, t'as chuchoté tes excuses. Recommence. Arrête de te chialer dessus. Franchement, je me fous un peu de ce que tu penses. Je crois que t'es bizarre, tu n'en finis pas. Arrête de répéter, t'as rien fait. Non, arrête de t'enfoncer. T'es bizarre, ça n'en finit pas. Arrête de m'harceler, de me rappeler. J'ai déjà raccroché. 1-2-3. J'ai pas le syndrome de celle qui pardonne. 1-2-3. J'ai la peau de ma main qui démange. 1-2-3. On m'avait pourtant mise en garde. 1-2-3. Phénomène bizarre. Hey yo, stop, cherche pas à savoir avec qui je couche. Comme les doigts du pianiste, elles sont sur la touche. 1-2-3, j'irai dans les bois. 4-5 en M6 ou en M3. On parlera plus tard, stop, l'aime est pas là. L'ambiance devient chelou, comme Anna Montana. Hey yo, DJ, mets du fouini fouini. On veut le boule à niki niki, faire des milliers. Hey yo, stop, non, je veux pas savoir avec qui tu crèches. Et même si je suis chaud, je sais que t'es de mes 7, 8, 9 qu'on nous applaudisse. Sois pisse, fais-lui un kiss, on a la notice. T'es là, c'est pilé, fouini, faut filer. L'ambiance ici n'est pas halal, je commande à filer. Tu vas tourner en rond comme la poule à facette. J'arrête de cuisiner, t'es pas dans ton assiette. 1-2-3. J'ai pas le syndrome de celle qui pardonne. 1-2-3. J'ai la peau de ma main qui démange. 1-2-3. On m'avait pourtant mise en garde. 1-2-3. Phénomène bizarre. 1-2-3. J'ai pas le profil de celui à qui on pardonne. 1-2-3. J'ai mal, j'ai l'oreille droite qui résonne. 1-2-3. On m'avait pourtant mise en garde. 1-2-3. J'ai la gueule du connard. J'en ai fini avec ce bolos. Pisse de danse. Moi et toutes mes folles, on bouge nos cheveux dans tous les sens. Je crois que c'est bizarre, tu n'en finis pas. Arrête de répéter, t'as rien fait. Non, arrête de t'enfoncer. T'es bizarre, ça n'en finit pas. Arrête de m'harceler, de me rappeler, j'ai déjà raccroché. 1-2-3. J'ai pas le profil de celui à qui on pardonne. 1-2-3. J'ai mal, j'ai l'oreille droite qui résonne. 1-2-3. On m'avait pourtant mise en garde. 1-2-3. J'ai la gueule du connard. 1-2-3. J'ai pas le syndrome de celle qui pardonne. 1-2-3. J'ai la peau de ma main qui démange. 1-2-3. On m'avait pourtant mise en garde. 1-2-3. Phénomène bizarre. Voilà, le morceau préféré, ton morceau préféré. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tu dois pas t'entendre dans le casque, en fait, parce que j'aime pas te savoir de ça. Il faut que tu montes le petit truc gris, regarde juste devant toi. Voilà. Ouais, parce qu'on me l'a baissé, hein. Sérieusement. C'est parce que t'écoutais le morceau, ça t'a pas plu? Ah, j'aime bien, on t'entend. Et tu t'entends. Ah, tu t'entends pas depuis tout à l'heure, en fait? Non. Ah bah bon, on a eu droit à une danse magnifique, en tout cas avec Canardo. C'était. Ouais, une belle danse, c'était beau, hein. C'était beau. 1, 2, 3. Mais si tu veux faire le halal avec mon frère, attends de faire des gros films, parce que la dot est chère. C'est vrai? Ouais, ouais. Vas-y, arrête. Normalement, je vous ramène des graines, des canards en général. Voilà, attention. Un petit message sympathique qui disait Black M n'a pas le bac. Mais oui, parce qu'il y a quelques minutes, on parlait du bac, donc certains nous ont dit ouais moi je l'ai eu, moi je suis au rattrapage, moi je le l'ai pas eu. Petit message à Black M. Black donc, M faisons, je t'aime beaucoup, si t'as pas le bac viens voir le film, tu vas savoir comment voler les examens du bac. Faisons le tour de table, qui a eu le bac ici? Oui avec mention. Ouais, putain, c'est des. Mais quel rappeur a le bac? C'est ça qu'il faudrait savoir. Ouais. Pas la Ouni. De toute façon, moi j'aime pas le sujet, c'est de la merde. Sinon, à part ça, moi j'aime parce pas que je sais que Caris, il a eu 2,7 de moyenne. Ouais, mais attends, je vais finir S, je vous rappelle juste que tout ce que vous dites à l'antenne n'engage que vous. Hein. Ah non, mais moi j'ai pas peur. Moi j'ai rien dit. Bouba, on t'encule. Voilà. Je m'appelle. J'allais dire un truc de ouf. Christine Bérou. Amel Bent. Bon, donc, ouais, 3 sur 4 ont eu le bac, la fouine, non. Non, mais moi j'aime pas ce sujet, c'est de la merde. Mais tu l'as passé c'est au moins c'est mais quel sujet? Il y a plusieurs sujets. Mais laissez la oui. Bah ok, ils sont fous, quoi. Pourquoi ils m'attaquent? Mais ouais. Non, mais alors je crois que c'est Thomas qui a peut-être donc. Non, moi j'ai le bac. Je suis pas comme Thomas. Thomas, c'est. Thomas, il a une anecdote. Qu'est-ce qui t'est arrivé avec le bac? Oh, le loser, quoi. J'ai fait une intoxication alimentaire le jour de l'épreuve d'éco coefficient 7. Je me suis évanoui sur ma table. Il a vomi sur sa copie. J'ai vomi et tout. Oh, c'était comme dans 8 Miles, tu vois. J'ai dû arrêter le bac et j'ai dû tout retaper en septembre. Horrible. C'est pas vrai. J'ai tout retapé en septembre. T'as tout dégueulé devant tout le monde. Ah non, quand même pas. Je me suis vraiment évanoui comme une merde. C'est la loser. T'as dû le repasser en septembre. Ouais. Quand les gens. Et tu l'as eu finalement? Ouais, je l'ai eu, c'était l'horreur. Quelle filière? ES. Ah ok. Et ouais. C'est ça, elle a la tête de. Comme moi, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais t'étais ouais. En écho, toi. Ouais, avec Madame Boulard, en sciences éco, je m'en souviens très bien. Non, moi, c'était Madame Rodriguez. Ah ouais. Il a séquestré dans un placard à la rentrée. Wally, c'était quoi, toi, le bac? Ouais, c'était bac ES aussi. Oui, je vois dans vos yeux que vous y croyez pas. C'est ça, ça qui m'énerve. Non, non, bac ES. Non, mais tu les as eu où? Dans les dames tables. Ouais, je l'ai au Sénégal. C'est dit, ouais, c'est bon, économie sociale, c'est bon, je te donne des diplômes, vas-y, tu donnes un peu de français CFA, voilà. Ça se voit, tu es un bachelier. Ça se sent. Ouais, j'ai conjugué des verbes. Il y a un truc qui se passe avec le bac. On va revenir dans quelques minutes avec un morceau. Qu'est-ce qu'on mettra comme morceau? Alors là, on va se mettre. Wally, tu voudrais quoi? Tu voudrais Team BS, Casse Départ? Moi, je. On va se mettre Team BS. On peut mettre que du Lafouine. Il n'y a pas moyen de mettre. On a dit on peut mettre d'autres gens. Qu'est-ce que t'es complètement fou, quoi? T'es folle ou quoi? Qu'est-ce que t'aurais. J'ai pas dit qu'on allait passer, mais qu'est-ce que tu aurais aimé? Franchement. Véronique Sanson? Non, mais on peut. Ça fait longtemps que Diams, elle touche plus trop. Eh bah, tu sais quoi, on va se mettre un Diams. Est-ce que vous avez un Diams? Bah, on a tous les Diams. Lequel? Franchement, je peux choisir. Ouais. Celui de 12 minutes? Non, je rigole. C'est qui veut niquer la radio. Non. Lequel? Moi, je dirais peut-être la Boulette. Ouais, la Boulette. Ah ouais, ça reste un classique, celui-ci. On se met un petit classique et je suis sûr qu'il y a plein d'auditeurs qui vont être super contents de ce Bah ouais, vous la passez plus sous prétexte qu'elle. Mais c'est faux, tu n'écoutes pas. C'est faux, tu n'écoutes pas. C'est Skyrock. On passe encore tout le temps, même en haute rotation, la Boulette. Il y a des golds. Ouais, il y a des golds. Elle est bien, cette phrase. En haute rotation, la Boulette. Et ben. Non, mais là, par exemple, cette semaine, à chaque rupture de gêne. La Boulette. Mais sinon, il y a un super restaurant tunisien auquel je mange toujours à Porte d'Italie qui s'appelle. La Goulette. Bah, tu vois, à une lettre près. Moi, je vends une 206. On va l'écouter dans un instant, mais juste avant, le freestyle par téléphone avec Shams du côté de Nantes. Shams. Ouais. Ça va bien, Shams? Ouais, ça va et toi? En pleine forme, prêt à rapper, prêt à nous faire un freestyle? Ouais, prêt. Et bah, c'est parti, mon pote, on t'écoute maintenant. Ok. Je le refais de mon nom. Mackenzie, Mahafaï, allez pour vous, Bems. Ceux qui sont Hems, toute la ville de Nantes. Ok. Parti à Saint-Justré. Besoin d'évasion, dire ce qui me passe par la tête. Parlons concrètement de ce qui nous plaît, ce qui nous embête. Si j'ai tout pour plaire, parle-moi de réussite. Qui s'y mène, je ne m'aime pas, ma vie se résume à la musique. Parle-moi d'avenir, prendre un nouveau départ. Bien loin de la cité où ma réussite ne prend pas ses pas. Parle-moi sincèrement, si t'as des reproches à me faire. Si j'ai besoin d'un conseil, parle-moi comme un grand frère. Me parle pas d'amour, non, on parle pas la même langue. Je suis toujours sur mes gardes, même avec une masseuse en Thaïlande. J'ai le soutien toute ma défi, on parle-moi de fraternité. Demande à McKenzie, tout ce qu'on possède, on l'a mérité. Dur de me dévoiler, car tous mes secrets sont bien gardés. Je les entends parler sur moi, forcément je m'en suis écarté. Parle-moi de... Raconte-moi une histoire. Ok. Histoire, c'est un industrie. Ok, Shams, à l'instant, freestyle dans l'émission. Petite dédicace, petit message à passer. Ouais, bah, une petite dédicace à toute la ville de Nantes. Ok, au 4-4. Mes frérots enfermés. Et puis, voilà. Et merci à vous. Hein. Eh bah, merci à toi, Shams. Merci. À bientôt, passe une bonne soirée sur Skyrock. Voilà, le freestyle par téléphone qui reviendra lundi pour s'inscrire à les idées maintenant, hein, 41-759. Qu'est-ce qui se passe? C'est une meuf. Il y a eu un choix il y a quelques minutes, juste avant le freestyle par téléphone, de diffuser Diams, la Boulette. Après, il a dit Diams comme si il allait dire Hitler. Ouais. De diffuser. Mais voilà. Toi qui as des nouvelles tout le temps, comment elle va? Elle vient de recevoir un texto tout de suite. Elle vient de dire un truc gentil pour la Uni, elle va très bien. Voilà. Elle c'est va très bien et elle prépare un album avec Eminem là. Je sens que je vais perdre toutes mes sous. Non, elle va très bien. Ça va s'appeler bon, écoute, tu lui feras un bisou de notre part, enfin, tu diras qu'elle ment. On lui passe un grand célèbre. Est-ce que tu crois qu'elle pourra revenir un jour ou pas? En musique, je sur parle. Paris non, sur Paris. Non, mais en musique, je parle. Non, je pense pas et je pense que c'est bien, elle a fait un choix qui est. qui est louable, ça se dit. Ah mais bien sûr, non. Ça attaque le français. C'est vrai que t'as eu le bac en fait. Ouais, c'est vrai. Ah, mais que seul à l'époque. C'est la première fois que je viens de comprendre. Tu sais que de tous. Merci, mais là, c'est sympa. Je t'en prie. Bah, c'est gentil. Non mais en tout cas, j'ai eu le bac avec mention et j'aime à le rappeler et que voilà, je suis pas une arabe comme les autres. J'ai envie de le très dire. Très bien. Bon écoute, on lui. Non, il va très bien. En tout cas, c'est nul. Genre que les arabes, ils ont pas le bac. Non, qu'ils ont pas la mention. Après cette petite minute raciste, on va mettre le morceau. Non mais attends, c'était vraiment une connasse en vrai. Allez, balance aussi. Bienvenue dans Plein Esquive. Bagarre, bagarre. Eh, tu mets quoi? T'es une connasse, mon ami. Tu mets quoi? T'as choisi la boulette. Ah, de l'amour. On peut chanter? Non. Tu sais, Fred, ils sont plus gentils sur Génération Énergie et FN Radio. Ouais, non, non, c'est pas l'école qui m'a dicté mes codes. On m'a dit que t'aimais le rap. Voilà de la boulette. Sortez les briquets, il fait trop tard dans l'hôtel. Alors, ouais, je me la raconte. Ouais, ouais, je déconne. Non, non. C'est pas l'école qui m'a dicté mes codes. On m'a dit que t'aimais le rap. Voilà de la boulette. Sortez les briquets. Sortez les briquets. Y'a comme un goût de haine quand je marche dans ma ville. Y'a comme un goût de gêne quand je parle de ma vie. Mais là, comme un goût d'aigreur chez les jeunes de l'an 2000. Y'a là où un goût d'aigreur quand je vois le tout dessus. Si tu me demandes pas ce qu'il épouse, à casser des vitrines. Je suis pas la mairie, je suis qu'une artiste en devenir, moi. Je suis qu'une boulette, me demande pas si j'ai le bac. J'ai que le rap et je l'embarque, je l'embrasse. Je le macaire, je l'embrasse. Y'a comme un goût d'attentat, comme un goût de Bertrand Cantat. Comme un goût d'entraque pendant le track. Y'a comme un goût de foulette, foulette chez les mots. Comme un goût de boulette, boulette sur les ondes. Génération Malha. Alors ouais, on déconne, ouais ouais, on est tôt. Non non, c'est pas l'école qui nous a dicté nos codes. Non non, Génération, non non. Y'a comme un goût de viol quand tu marches dans ma ville. Y'a comme un goût d'alcool dans les locaux de police. Y'a comme un goût de peur chez les meufs de l'an 2000. Y'a comme un goût de bœuf dans l'oxygène qu'on respire. Me demande pas ce qu'il épouse, à te casser les couilles. Je suis pas les secours, je suis qu'une petite qui se débrouille, moi. Je suis qu'une boulette, me demande pas si j'aime la vie. Moi j'aime la rime et j'emmerde ma. Juste parce que ça fait zizir. Comme un goût de patron, comme un goût d'agapone. Comme un goût de hardcore, hardcore dans les écoles. Y'a comme un goût de foulette, foulette chez les mots. Comme un goût de boulette, boulette sur les ondes. Alors ouais, on déconne, ouais ouais, on est tôt. Non non, c'est pas l'école qui nous a dicté nos codes. Non non, à toute épreuve mercredi. Non non. Alors ouais, on déconne, ouais ouais, on est tôt. Non non, c'est pas l'école qui nous a dicté nos codes. Non non, Génération, non non. Comme un goût d'Afrique dans les caisses de la Francia. Comme un goût de démé des magots dans la bouche de Sarko. Comme un goût de michto près des Merco. Y'a comme un goût de coucou dans les chambres des jeunes. Y'a comme un goût de boum boum dans le cœur de mes soeurs. Y'a comme un goût de chouille saoulé de tout ce qui se déroule. Y'a comme un goût de foulette, de boulette qui saute dans la foule. Alors ouais, on déconne, ouais ouais, on est tôt. Non non, c'est pas l'école qui nous a dicté nos codes. Non non, Génération, non non. La boulette à l'instant, Diams. Ouais, là ça sème. Ouais, bah tiens, puisque tu as fait la maline pendant tout le morceau, remets l'instru s'il te plaît, Fab. Quoi? Ah bah tu me le fais maintenant le morceau. Bah ouais, nous on attend le freestyle. Ah ouais, on attend le freestyle. Wally, si tu veux filer un coup de main parce que toi t'es. Ah, il faut que je. Ouais, mais lance-moi sur les paroles. Alors ouais, je me la raconte, ouais, ouais, je déconne. Non, non, c'est pas la bonne tonne. Vas-y, je te back, je te back, je te back. Stéphane back? Ouais, okay. On s'en fout, il existe plus. Non. Ah bon, si on. C'est disparu. Aidez-moi là. Mais attends, là ça commence tranquille. 100 8 zo divisé par 10, 92. D'habitude, c'est les dédicaces, c'est les dédicaces. 9-2, je rajoute 1, tu retiens 1, on est dans 9-2. Comme un goût de douche. Mais aidez-moi, lance-moi tes rappeurs. Vas-y, maintenant, c'est parti, vas-y, vas-y. Alors ouais, on déconne, ouais, ouais. On étonne, non, non. C'est pas l'école qui nous a dicté nos codes. Non, non. Génération Melha. Génération Melha. Ouais, on déconne, ouais, on étonne. codes, non, non, c'est pas l'école qui nous a dicté nos codes, non, non. Et tout ça pendant 3 minutes. Voilà. Non, non, Wally va nous lâcher un peu. Vas-y, Wally. Tu vas couper. En sénégalais, en sénégalais. Ah, d'accord. Okay. Génération, ouais, ouais. Génération, d'accord. Génération, c'est compliqué d'avoir du boulot. Ouais. C'est pas des papiers. Donnez-moi des préfectures. J'en ai marre de faire la quai. Pitié, c'est sien. Y'en a marre des policiers. Des CRS tout le temps. Ils viennent nous prendre au foyer. Quand je mange, maman fait. Ça m'énerve, pitié. Toujours, ils viennent. Moi, je vais me marier pour avoir des papiers. Je prends n'importe laquelle. Mais là, si t'es intéressé, vas-y, c'est bon. À l'instant, le live, le freestyle, bravo. Avec l'équipe du film à toute épreuve qui sort mercredi. J'ai entendu appeler Canardo mon halal. Oui, sérieux, j'aimerais officiellement dire que je vais faire un halal express là. Parce que j'ai très très envie de dormir à halal express. Je suis très amoureuse de Canardo, voilà. Avant de se quitter, on met un morceau de la Team BS. Ah bah la semaine quand même Team BS. C'est ça. Qui fait le choix? Thomas. Avant de nous quitter, j'aimerais qu'on fasse découvrir un morceau de Canardo. Voilà, c'est oui, Canardo. Bah, un morceau. Donc Canardo, c'est quoi le dernier single que t'as sorti? Bah, il y a le morceau Excorp qu'on peut passer. C'est quoi aussi. On peut passer Touche à rien. Touche à rien. Voilà, bah on se passe Touche à rien. Voilà, on se passe Touche à rien parce que je sais que de sources sûres, je sais que Thomas Olivérès est accro à ses paroles. Fan de Canardo. C'est quoi le délire des animaux dans la famille, la foule? Canardo, c'est... Bah, on est la taupe, tout ça. Voilà. Ouais, ça arrive. Et je voulais juste une petite anecdote sur ce morceau. Le morceau s'appelle Touche à rien. Et c'est un ami à moi qui s'appelle Dixon, qu'on connaît tous, qui m'a inspiré pour faire ce morceau. Parce que pendant un moment, il disait toujours Touche à rien, touche à rien. Je lui ai montré mon 4x4 qui était refait. Oh, touche à rien, touche à rien. Ouais, bon, on va écouter le son, il est lourd, touche à rien, il est lourd, touche à rien. Là, touche à rien. On va écouter ce morceau juste avant quand même, puisque. On en a parlé un petit peu il y a quelques minutes. J'aimerais connaître le top 3 de ce que vous écoutez. Par exemple, Thomas. Je suis désolé, Thomas, je reviens chaque fois vers toi. Ouais, y a Véronique Sanson. Tu m'as l'air Véronique Sanson, donc... Claude François et Herbert Léonard. Pour tous ceux de Skyrock qui écoutent. C'est bon, ça. Herbert Léonard, c'est qu'il est tout mignon, ce petit Thomas. Non, mais tu crois vraiment que j'ai Herbert Léonard dans mon téléphone? Bah, pourquoi pas. Franchement, non, mais là, on est sérieux. C'est quoi ta playlist? C'est quoi tes 3? Je sais pas. J'aime bien les trucs psychédéliques. Non. Skip the Use. Ghost, ah, voilà, d'accord. C'est pas d'accord. Mal. Weekend, très cool. Fada Freddy, Lost, d'accord. Pas mal ça aussi. Ouais, Fada Freddy qui La Fouine. Voilà, c'est cool. Okay. Wally. Et toi, Wally, à part La Fouine, c'est quoi ton top 3? Du coup, tu peux couper décalé. Salut Keita, et Sundur, beaucoup de sentiments. Voilà. Là, j'écoute Auguste Alsinal en ce moment, j'aime bien. D'accord, c'est de la balle. Ouais. C'est un chanteur R&B américain qui tue tout en ce moment. J'aime bien. Ah ouais. Voilà, mais il a un nom trop difficile à retenir. Ouais. Auguste Alsinal. La Fouine aussi, La Fouine, ton top 3 du moment. Moi, mon top 3. En ce moment, j'écoute The Weeknd. J'adore The Weeknd. Je suis amoureux de sa compilation qui s'appelle Trilogy, où il y a ses 3 albums. Et j'écoute une petite meuf qui s'appelle Sirin Streeter. Ouais, Sevin Streeter. J'adore, c'est la petite protégée à Chris Brown. Mmh. Ah ouais, et là vraiment, coup de cœur, la nouvelle chanson de Calogero. Un jour, franchement, je l'adore. Ça s'appelle. Non, elle s'appelle Un jour au mauvais endroit. Et elle est trop bien. C'est l'histoire d'un petit jeune. Et il exprime son désir. De faire un titre. Non, mais déjà. Non, attendez. Alors, Calogero, si tu as l'écoute, je crois que La Fouine a envie de faire un feat. Non, je vous explique. C'est pas parce que j'aime quelqu'un que j'ai spécialement envie de faire un feat avec lui, premièrement. Et deuxièmement, ça fait très longtemps que j'adore Calogero. J'écoute tous ses albums depuis le début. Et je suis même parti le voir en concert. Alors, j'étais en concert à Marseille. Et le lendemain, je suis parti le voir au Dôme. Et j'ai adoré. C'est vraiment un artiste que j'adore. Et que j'écoute depuis très, très longtemps. Depuis son premier groupe d'ailleurs. Voilà. Qui s'appelait Alors, le premier groupe de Calogero, il s'appelait ça, je m'en rappelle pas. Il s'appelait les Charts. Les Charts, voilà, c'est cool. Bah, c'est comme le site dur Charts. Ouais, c'est égoïste. Enfin, c'est hyper présomptueux, je trouve. Incroyable cette culture musicale. Et on finit avec ta playlist aussi. Alors, moi. Raled, Faudel, Radin, 2-3 sonnets. C'était très raciste, je sais. C'est la dopie. Il y a quelqu'un de la dopie ou de la. On peut parler à quelqu'un de. Non, c'était une blague raciste. Non, mais t'es très raciste. De toute façon, pour être dans le rap, depuis autant de temps de s'appeler Fred et d'avoir ton teint très blanchâtre, tu dois être très raciste, mon petit gars. Et tu dois pas nous aimer. Ouais, mais ça va, une ou deux, trois blagues sur les bougnoules, c'est pas raciste. Ok. Et sur les juifs, on peut se lâcher. Faisons ton top 3. Pourquoi tu me dis de couper? C'est quoi ton top 3? Amel Bent, en premier. J'adore la lionne saigne. Parce que.

chante en 22, carrosserie noire mat. Le concessionnaire m'a dit touche à rien. Cinéma, télé, tournée, concert sold out. Les grands du quartier m'ont dit touche à rien. Quelques chèques et plus de zéro pour mon comptable. Voilà mon banquier m'a dit touche à rien. Prod de baiser, celle-là c'est pour tous mes télés. J'ai dit DJ Scorpio et touche à rien. Touche à rien, touche à rien, touche à rien, touche à touche à rien. Touche à rien, touche à rien, touche à rien, touche à touche à rien. Touche à rien, touche à rien, touche à rien, touche à touche à rien. Touche à rien, touche à rien, brolique devant leur gueule, ils vont toucher à head. Touche à rien à l'instant sur Skyrock, on fait tourner la roulette. Skyrock offre le DVD Pompéi et plus d'une GoPro par jour. La roulette qui tourne avec Sonia de Plouvernec. Verneau. Allô Sonia. Oui. Ça va bien? Ça va. Tu vas me renseigner, c'est quoi ta ville? T'appelles d'où? Plouguerneau. Ah bah voilà, parce que j'ai une espèce de truc là, qui a été écrit par Fab. J'hésitais entre Plouguernec, Plouguerneau. Bon, tout va bien toi pour toi Sonia? Oui, ça va très bien. En pleine forme, tu es prête à faire tourner la roulette, on y va? Ouais, on y va. Allez, dès que tu veux, tu dis stop, c'est parti. Allez, stop. Et ça va s'arrêter pour toi, Sonia, sur la case, c'est... Et ben voilà, Sonia, c'est pour toi le DVD Pompéi qui arrive à la maison du côté de Plouguerneau, en Bretagne. Merci. On t'envoie ça, Sonia, je te fais des bisous, petite dédicace, petit message à passer. Bah ouais, une grosse dédicace donc à tous les Lidl, là où je travaille actuellement, et à mon chéri, tous mes amis, ma famille, et je dis d'avance, merci pour ceux qui me souhaitent un bon anniversaire. Bah bon anniversaire à toi aussi Sonia, c'est le mien aussi aujourd'hui, donc parfait, magnifique, ouais. Bah bon anniversaire à nous deux. Bah merci. Je te fais des bisous, ciao Sonia. Ciao, bisous. On va se quitter. Merci en tout cas pour cette grosse soirée. On rappelle et que pourquoi le film... tu dis grosse soirée en me regardant moi? Allez, t'aimes pas les gros, t'aimes pas les arabes, t'aimes qui? Bon, en tout cas, merci. C'était vraiment une grosse émission toute la semaine. Merci de nous avoir invités. On va rappeler quand même que le film sort mercredi. Le 9 juillet, messieurs dames. Que le pitch, Thomas, c'est. Un gâteau. Je t'ai pris un peu à froid. Il dormait. Non, c'est trois mecs qui veulent les sujets du bac. Voilà. Bien. Et oh, c'est trop bien. Il y a de l'action. Il y a du galochage. Alors, trois mecs, c'est qui? Parce qu'il y a Mela. C'était où? Ah, mais Mela, c'est à part. Non, c'est avec. Il y a Samy Seguir. Il y a Marc Lavoine. Il y a Valérie Carcenti. Il y a Louise Grimbet. Il y a Rof. La Fouine. Il y a Booba. Il y a du lourd. Bon, merci à vous tous. Faisons un petit tour de table. Regarde, je commence par toi. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Alors, moi, je joue mon spectacle le 11 septembre. C'est pour une date unique. Pour une date unique, Léon. Il y a beaucoup de. Ce sera un tour Montparnasse. Reviens. Allez, le 11 septembre, c'est où? C'est au République, c'est un théâtre que mon producteur a racheté. Il s'appelle Jean-Philippe Bouchard. Il a aussi le comte de Bouderbala, Nora Hamzaoui et Guillaume Bat. On est une famille, une écurie. Venez nous voir, on n'a pas d'argent, mais on a du cœur. Certains non, quand même dans l'équipe. Moi, une personne, mais c'est pas. Non, mais c'est le 11 septembre, ça s'appelle Fat and Furious et c'est au République. C'est à quelle heure? Ce sera à 12h20. Très bien. À 8h15. Ne loupez pas. Merci en tout cas de passer. Fat and Furious, c'est un jeu de mots. Bon, Walid, par contre, elle est plus drôle dans son spectacle. Mais c'est j'en doute pas. Elle est beaucoup plus drôle dans son spectacle également. Toi, tu joues jusqu'au 12 juillet, Garde la pêche. Ouais. Oh, c'est Booba. Et ouais, justement, il y a tout un truc là-dessus et c'est pour ça que j'ai envie que la Founi revienne le voir. Parce qu'il y a tout un truc là-dessus. Et tu reprendras même le 17 septembre au Comedy Club. Ouais, moi, c'est avec des arabes. C'est à 20h. C'est chiant, c'est en plein planète rap. Ouais, mais c'est pas grave, tu viens, tu fais autre chose. Ah non, le samedi, c'est bon. Mais Laurent Romeshko est à ta place. Samedi, c'est pareil. Ou Thomas, qui ressemble à Laurent Romeshko. C'est possible, il y a moyen, je viens animer Planète Rap. Donc Walidia, les places, on peut les trouver partout, ça prend le 17 septembre. Au KFC. 17 septembre, voilà, au Comedy Club à Paris, et puis bientôt en tournée. Et Thomas, donc Comédie Française, là, bientôt. Non, alors moi, le 21 novembre, il y a le film de Mélanie Laurent, film d'auteur, qui a été la critique à Cannes. Et je c'est la classe de dire ça. Est-ce que c'est un film ou c'est une phrase genre de mon cœur s'est arrêté le jour où tu es né et c'était la fin de ma vie? Ça s'appelle Respire. Oh putain! Oh, j'ai vu la bande-annonce, ça a l'air hyper bien! Mais bien sûr que ça a l'air bien! Ça a l'air bien! Et bah voilà! Bah, tout est dans la bande-annonce! En fait, quand tu joues dans un film. Ouais. Qui est dit, entre guillemets, un film qui n'est pas un film d'auteur. Ouais. Donc, il n'a pas été écrit. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas d'auteur. Oh. Non, mais coincé, il l'a coincé. Frère, c'est comme il les gens coincé. Qui sont sur Skyrock. Après, ils disent c'est des tubes, ils font de la merde. Et il y a les gens en Inde. Et bah là, c'est pareil. Il y a les vrais, les faux. Voilà, il y a les vrais, les faux. Et sur Sky, bah, c'est que des gens, c'est une machine à tubes. Ah, oui, c'est, et à ce qui paraît, tu dis une connerie parce que t'as dit 21 novembre, mais c'est le 12 novembre, on vient de me dire. Ah, ça a changé. Ouais, le 12 novembre, c'est ça. Il a changé. Le mec, il est lourd. T'as changé, mec. T'as les gens classe avec toi. T'as vu ça? Oui, Léa Castel, elle a mis un. Alors, Léa Castel, je voulais te dire. Convertis-toi. Bon, allez, c'est fini maintenant, merci. Abel Ben, t'es la meilleure. C'est Planète Mosquée. Elle chante pas juste. Merci à vous. La fouine, tu reviens. Kinjila, chante. Tu reviendras très vite. Kinjila, je t'aime bien. Abel Ben aussi. Et on embrasse Léa Castel aussi. Mais tout le monde l'embrasse. Merci la fouine en tout cas. Allez, pour cette semaine. Et sachez un truc, 9 c'est juillet que à toute épreuve. 9 juillet à toute épreuve. Et sachez que je suis en studio. Je prépare actuellement Capital du Crime volume 4. Avec l'équipe d'À toute épreuve qui sera dessus en fuite. Et moi, je prépare Capital du CRIF. C'est sur les juifs. Merci à vous tous. Passez une bonne soirée. Allez, bonne soirée. Il y a 10 foules qui se pointent. C'est parti pour la Radio Libre. Merci. Et loupez pas mercredi au ciné. Mais c'est mercredi, c'est à toute épreuve. Voilà, on y va. Ciao, ciao. Bon, salut Fredo, salut. Ciao. Et la fouine sera avec nous lundi soir dans la Radio Libre aussi. Yep. Tiens. Bon, une c'est ça. C'est ça. On s'est fait baiser. On s'est fait baiser. Voilà. Ouais. Bonjour. Ouais. Bonsoir tout le monde. Bon, on est là en direct avec Alice. Ce soir, joueur de l'équipe de France. Venger la France. Votez Romano. Votez Romano. Cédric, quelque chose à rajouter? Non, mais moi, j'ai toujours que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne, il est sportif. Oui, ce soir, c'était les Allemands les meilleurs. Hein, c'est bon pour l'Allemagne. Ce coup-là, ouais. Bon, on rentre à la maison. Mais bon, on est là avec vous. Profitez de la soirée Radio Libre. Ça démarre dans un instant sur Skyrock. Ça démarre, je vais même démarrer tout de suite là, avec Michael Jackson et Justin Timberlake. Vos messages en direct. Votre avis sur le match de foot. Il a donné des notes pour le match de foot. Le match des Bleus contre les Allemands, c'est fini. Ouais, bah, ah, bah là, le match, il est fini, ouais. On va à la maison. Bah, j'y étais déjà perso. On va à la maison. J'ai plus chaud, c'est pour les joueurs. Oui. Bon, ah ouais, on est en vacances en plein. La saison était longue. Hein. Sinon, moi, je serais quand même les fans des joueurs. Je dirais, t'es quand même sacrément con d'avoir perdu. Ouais, moi, je me barre du Brésil et en plus, t'auras une prime plus basse. Oui. Ce soir, je baiserai pas. Et en plus, t'auras moins de vacances. Et bien, pour te rassurer, Romano, tu n'es pas la femme d'un joueur. Non, non, mais moi, je. Dans un instant, tu nous diras lequel tu choisis dans l'équipe de France. Dis-nous lequel était le meilleur pour vous. Quel a été le moins bon? Laissez une note pour le match. Et puis on y revient tout de suite après Michael Jackson et Justin Timberlake sur Skyrock. C'est parti. Ouais, c'est parti. On y go.